Chapitre 4. Trois jours plus tard, dans la chapelle du château, furent célébrées les obsèques d'Aurore de Bruance, comtesse de Ruden. Le curé du village de Sauvin célébra la messe et un religieux bénédictin, cousin de la défunte, donna l'absoute. L'assistance était peu nombreuse. Quelques châtelains de la contrée, quelques personnes du village, les familles des deux fermiers avaient pris place sur les antiques bancs de chêne, derrière ceux où se tenait le comte de Ruden, Judith, Élisabeth, Madame de Groussel, son fils Willibald et Agathe de Combron. Calix, qui n'avait point paru au lit de mort de sa mère, se trouvait également absente de cette cérémonie dernière. La chapelle, qui occupait l'extrémité des anciens bâtiments, avait jusqu'alors résisté à la ruine. Elle ne servait plus qu'en de semblables circonstances. Les vieux vitraux subsistaient dans leurs alvéoles de plomb et laissaient passer une clarté indécise dans laquelle s'estompaient les visages des assistants. Celui d'Élisabeth restait caché sous le voile qu'elle ne songeait pas à écarter. La fillette était assise entre sa belle-mère et Madame de Groussel. Contre son habitude, car elle avait une piété sincère et bien dirigée par le curé de Sauvin, sa pensée ne suivait pas les rites sacrés. Depuis le moment où elle avait assisté, invisible, à cette scène révélatrice près du lit où se mourait la vieille comtesse, elle restait sous l'impression des croulements affreux qui l'avaient fait si précipitamment fuir. Jusqu'alors, bien qu'elle connût l'influence de Judith sur son père, elle n'aurait pu imaginer que celui-ci poussât la faiblesse jusqu'à cette horrible chose, fouiller les meubles sous les yeux de sa mère mourante. Rien, jamais rien, pensait Élisabeth avec désespoir, n'enlèverait ce souvenir de sa mémoire, ni celui du sourire de l'aïeule, cet atroce sourire qui signifiait, pour Élisabeth, la joie haineuse de la vieille dame à la pensée de la déception promise aux héritiers avides. Elle l'avait retrouvée sur les lèvres de la morte quand, avec Adélaïde, elle s'était agenouillée près d'elle. Aglaé, impassible, sèche et glacée, ainsi que toujours, se tenait près de sa maîtresse défunte. Comme Adélaïde murmurait avec un peu d'effroi, « Oh, pourquoi sourit-elle ainsi ?» La servante avait répondu, avec une étrange intonation de sarcasme, « Elle est morte contente, probablement. » Derrière l'autel, le chantre entonnait le Dies Irae. C'était un ouvrier du village, un petit menuisier, dont l'abbé Forgue avait dirigé, cultivé la belle voix de baryton. Élisabeth frissonna longuement. Jour de colère. Elle songeait à celle dont le corps sans vie reposait là, dont l'âme orgueilleuse et dure avait paru subitement devant son juge, dans la féroce joie de la vengeance. Madame de Rudel, cloîtrée dans cet orgueil inflexible, avait toujours dédaigné une religion qui glorifiait les humbles et ordonnait le pardon des injures. Elle avait haï Judith, elle était certainement morte en la haïssant. Mais était-ce donc une grande faute de haïr Judith? Alors elle, Élisabeth, elle qui la détestait de toute son âme? Son regard plein d'angoisse alla vers l'autel. Un grand crise de bois peint, très ancien, le dominait. Élisabeth joignit les mains en songeant. « Peut-être me pardonnerez-vous, Seigneur, vous qui avez tant souffert des hypocrites pendant votre vie et les avez si bien fustigés en paroles. Mais ne me demandez pas de ne plus détester Judith. Tout au plus, puis-je ne pas lui souhaiter de mal, mais c'est tout, mon Dieu, c'est tout !» Elle ramena contre son visage le voile de crêpe léger pour ne plus sentir le parfum pénétrant dont se servait Madame de Ruden. À sa droite, Madame de Groussel, maigre et blonde, avec un visage fané, fatigué, tenait ouvert son paroissien, mais en restait toujours à la même page. Encore une qui se laissait prendre par Madame de Ruden et Agathe. Puis, il y avait la fortune d'Agathe. L'argent, l'argent. Élisabeth le détestait instinctivement, bien qu'elle connût encore si peu de quelle bassesse, de quel crime parfois il est le motif. Elle aimait sa pauvreté, elle en était fière, comme d'une supériorité morale, sur Judith et sa fille. Sa belle-mère l'avait peut-être deviné, car plus d'une fois elle l'avait tenté en lui offrant une toilette élégante, en raillant doucement sa mise très modeste. Mais elle n'était pas tombée dans le piège. Ah, plutôt mendier son pain que de devoir quelque chose à Judith. L'obligation de demeurer près de Madame de Ruden pendant cette cérémonie funèbre produisait chez Élisabeth un profond malaise. Aussi éprouva-t-elle un vif soulagement quand, l'absoute donnée, les assistants quittèrent leur place pour suivre le cercueil que l'on descendait dans la crypte. Là, depuis plusieurs siècles, reposaient les restes des Farrel, premiers seigneurs de Montparoux, et des Ruden, leurs successeurs. Sous la voûte romane, soutenue par de massifs piliers, s'alignaient des sarcophages de pierre. Les porteurs déposèrent le cercueil sur des tréteaux, et la famille et les serviteurs l'entourèrent, tandis que le prêtre disait les dernières prières à la lueur des cierges fichés dans de hauts chandeliers d'argent. Élisabeth, deux fois par an, à la Toussaint et le 16 août, anniversaire de la mort de sa mère, descendait avec Adélaïde dans cette crypte. Elle n'y pénétrait pas sans un serrement de cœur, car l'atmosphère était lugubre sous cette voûte basse, dans ce lieu où ne pénétrait pas la lumière du dehors. Aujourd'hui, la même sensation l'étreignait avec plus de force encore, devant cette bière de chêne brillant qui renfermait l'altière aurore et son sourire. En levant les yeux, elle vit en face d'elle son père. À la jaune lueur des cierges, le visage aux beaux traits fins apparaissait très pâle, un peu contracté. Les paupières baissées ne laissaient pas voir le regard. Pensait-il, lui aussi, à ce sourire? Se disait-il, comme Élisabeth, qu'il ne l'oublierait jamais? En frissonnant, elle détourna les yeux. Maintenant, elle regardait Judith qui prenait le goupillon des mains de son mari. La colère montait en elle devant ce doux visage, cet air grave, recueilli. Quand on l'avait vue, comme elle, quand on l'avait entendue dans la chambre de la mourante, un affreux écœurement pénétrait l'âme d'Élisabeth. Une irrésistible envie de fuir lui venait. Ne plus voir ses femmes, la mère et la fille, ne plus voir son père qu'elle avait aimé, pourtant, quand, toute petite fille, elle se blottissait dans les bras qui l'entouraient avec tendresse. Il l'appelait « Malili, ma petite chérie », il riait, tout heureux, en écoutant son bavardage enfantin. À ce moment-là, Daphné vivait. Mais Daphné était morte et Judith était venue. Élisabeth eut un sursaut. Quelqu'un lui toucha le bras et une main lui tendait le goupillon. Elle le secoua machinalement sur le cercueil et le passa à Agathe. Puis, en réprimant avec peine sa hâte, elle s'en alla vers l'escalier aux larges marches humides où déjà s'engageaient sa belle-mère et Madame de Groussels. Dans la chapelle, la famille s'alignait pour recevoir le salut des assistants. Mais Élisabeth se glissa au dehors et gagna la tour. En montant l'escalier, elle croisa Florestine, la femme de chambre de sa tante, la fidèle Florestine qui vivait près de Calixte depuis son adolescence. Mince et brune, vêtue avec une simplicité presque monacale, elle avait des yeux calmes et doux, une maigre figure au teint mat. Elle parlait peu, ne disait jamais mot de ce que faisait Calixte. Élisabeth, quand elle se rendait en semaine à la messe, la voyait toujours agenouillée à la même place, dans un entier recueillement. Elle l'intriguait un peu, cette silencieuse Florestine, et l'attirait en même temps, car elle avait l'impression d'une paix mystérieuse qui émanait d'elle. En s'écartant pour laisser passer Élisabeth, la femme de chambre la salua avec cet air de doux respect qu'elle avait toujours pour la nièce de sa maîtresse. Élisabeth dit machinalement « Bonjour, Florestine !» Mais cette rencontre ramenait à sa pensée le souvenir de cette tante presque inconnue, farouchement retirée du monde pour cacher sa disgrâce. Après tout, elle avait raison. Il n'y avait partout que méchanceté, fourberie, hideux égoïsme. Il n'y avait que désillusion, et mieux valait, toute jeune, se retirer de ce monde trompeur, de cet odieux monde où vivent des Judith, des Agathe, des êtres décevants comme ce Willibald. Adélaïde, arrivant 5 minutes plus tard, trouva Élisabeth absorbée dans ses amères pensées. Elle s'écria dès l'entrée, Pourquoi êtes-vous partie si vite, ma petite fille? Il fallait attendre que les assistants vous eussent salué comme les autres. » Élisabeth eut un geste là. « Cela n'a pas d'importance, Adélie. Je suis si peu connue. Certainement, on ne s'est même pas aperçu de mon absence. Je crois, au contraire, que vous recevrez des observations, mon enfant. Ah, de Judith, peut-être ?» Un sourire méprisant soulevait la lèvre d'Élisabeth. « Eh bien, je les écouterai, comme d'habitude, et je ne m'en porterai pas plus mal. » Elle n'aura pas tout à fait tort en la circonstance. Votre place était là, Élisabeth. Il faut vous habituer à ne plus agir comme une petite fille sauvage. » Élisabeth se redressa un peu dans le vieux fauteuil où elle s'était jetée en entrant dans sa chambre. « Je serai toujours une sauvage, Adélie. Je ne veux pas vivre dans le monde. Si j'étais un homme, je me retirerais dans un lieu désert comme les ermites d'autrefois. » Adélaïde considérait avec perplexité la mince figure un peu tendue, les beaux yeux assombris. Elle sentait qu'Élisabeth parlait sérieusement. Depuis la mort de sa grand-mère, elle la trouvait changée, d'humeur plus sombre, plus silencieuse. Mais elle ne comprenait pas comment cet événement pouvait influer sur elle, Élisabeth ne lui ayant rien dit de la scène surprise par elle au chevet de la mourante. « Que vous prend-il, ma petite fille? Qu'avez-vous donc? Que vous a-t-on fait ?» Elle penchait vers Élisabeth, son bon visage inquiet. La fillette se leva d'un bond et lui entoura le cou de ses bras. « Je trouve le monde affreux, mais il y a ma chère Adélie pour m'aider à le supporter. Vous ne me quitterez pas, Adélie, jamais, jamais !»« Quelle idée, Élisabeth! Pas de mon plein gré en tout cas. Il n'y a que si l'on vous envoyait en pension. » « En pension ?» Élisabeth se reculait en un mouvement de violente protestation. « Ne me reparlez plus de cela, Adélie. Jamais je ne pourrai vivre enfermée parmi des étrangères. Puis Judith serait capable de prétendre que c'est elle qui paie pour moi parce que les revenus de mon père sont absorbés par l'entretien de la propriété. Elle m'a insinué cela un jour, je vous l'ai dit. Non, non, je resterai ici jusqu'à ma majorité. » Alors je travaillerai à n'importe quoi et je vous rendrai ce que vous dépensez pour moi, bonne chère Adélie. Oh, quant à cela !» Adélaïde considérait avec mélancolie la jeune physionomie résolue. Certes, elle continuerait de dépenser pour Élisabeth les revenus du petit héritage qui lui était échu après la mort de son frère, car la maigre somme versée par M. de Rudaine pour l'entretien de sa fille n'aurait pas permis d'y subvenir complètement. Mais elle savait, elle, que tout ne se passerait pas aussi simplement que le supposait Élisabeth dans son inexpérience, et l'inquiétude la saisissait à la pensée de l'avenir difficile qui semblait attendre cet enfant sensible et fier, dont certains côtés de la nature lui demeuraient encore inconnus. Le son d'un violon, à cet instant, arriva par la fenêtre ouverte. Adélaïde eut un léger sursaut et murmura: « Le jour de l'enterrement de sa mère, elle aurait pu, il me semble. » L'oreille tendue, Élisabeth écoutait. Une longue plainte musicale s'élevait, puis un chant grave d'une sombre mélancolie. Élisabeth dit pensivement: « C'est peut-être sa manière de prier pour elle. » Le violon gémissait, exhalait une pathétique angoisse. Élisabeth, les nerfs tendus, levait son visage pâli, comme pour mieux recueillir la poignante beauté que dispensait l'archer de Calixte. Mais soudainement, elle se raidit, figée dans une stupéfaction presque horrifiée. Une sorte de ricanement s'élevait, un chant de joie diabolique sur un rythme de danse macabre. Puis, brusquement, l'archer grinça et tout se tut. Élisabeth eut un long soupir d'angoisse en s'écartant de la fenêtre et détourna les yeux pour qu'Adélaïde ne vît pas la détresse qui devait s'y refléter.